À la fontaine Bellerie. Ô fontaine Bellerie, belle fontaine chérie de nos nymphes, quand ton eau les cache au creux de ta source, fuyante le satyro, qui les pourchasse à la course, jusqu'au bord de ton ruisseau. Tu es la nymphe éternelle de ma terre paternelle. Pour ceux, en ce pré vert de lait, vois ton poète qui t'orne d'un petit chevreau de lait, à qui l'une et l'autre corne sortent du front nouvelé. L'été, je dors ou repose sur ton herbe où je compose, caché sous tes sols verts, je ne sais quoi, qui ta gloire enverra par l'univers, commandant à la mémoire que tu vives par mes vers. L'ardeur de la canicule, ton vert rivage ne brûle, tellement qu'en toutes parts, ton ombre est épaisse et drue, aux pasteurs venant des parcs, aux belas de la charrue, et aux bestiales épars. Io, tu seras sans cesse des fontaines la princesse. Moi, célébrant, le conduit du rocher percé, qui darde avec un enroué bruit, l'eau de ta source jasarde, qui trépillante se suit.